17. Les jours perdus, les jours heureux. Nous devions repartir 3 jours après cette grande équipée. Mes compagnons de voyage tinrent ferme. Ils avaient fini de ce bonheur improvisé. Martin avait remporté le prix du paysage. Delange prétendait mériter bientôt celui que j'avais obtenu. Ils retournèrent poursuivre leurs travaux, leur avenir. Pour moi, j'ai à vous faire l'aveu que cette visite se prolongea 12 ans. C'est là que s'absorbèrent mes études, mon prix de peinture, mon voyage à Rome, où coururent mes camarades, plus sages, ou du moins plus alertes que moi. Je ne sais quel ciment fixait mon corps et mon âme à ce pavé natal, où je buvais l'oubli de l'univers, de la gloire et des chefs-d'œuvre, qu'ils allaient tous deux moissonner en ma place. Et de ces 12 années, que me redemande sans cesse ma raison mécontente, j'en passais 3 dans la même petite chambre sombre où je m'étais fait berger. Delange, l'amant aimé de Marianne, m'avait cloné en partant dans cette chambre, me recommandant de faire entendre raison à sa fiancée sur son prompt départ, qu'il trouvait lui si naturel, si urgent et si facile. J'avais dit en effet à Marianne de belles choses de l'air le plus stoïque du monde, pour lui faire envisager cette absence comme une nouvelle épreuve à son bonheur futur. Marianne m'avait regardé de ses longs yeux brûlants, à travers ses cheveux bouclés et ses larmes, et cela d'un air à repousser, avec son sourire triste et dédaigneux, toutes les sentences banales que j'étalais devant ses pleurs. Elle ne m'honora pas d'une parole, et je finis par ne plus lui parler de rien. Je la voyais tous les jours, j'entendais tout le monde parler de sa beauté, de son amour pour mon camarade, et mon cœur était aussi immobile que les portraits de mon atelier, qu'elle venait voir avec sa mère, dans la compagnie de ma belle-sœur, qui était folle de son caractère, et souvent aussi toute seule, pour m'entendre dire que Delange aurait un beau talent, que Delange irait à Rome, et que Delange ne le voulait ainsi que pour revenir bientôt en faire une heureuse femme. Je le disais, je tâchais de le croire, d'abord comptant sur mon prochain départ, et j'y comptais moi-même, comme sur une chose aussi facile qu'à Delange. Elle me pria de faire son portrait, pour le porter à son amant, son fiancé, son Delange, me conjurant avec une candeur passionnée de la faire belle, alors qu'il ne l'oublia pas et qu'il revint plus vite. Je la regardais avec un œil de bronze, je la peignais divine, animée de sa ravissante tendresse, et je me couchais tranquillement après, séparé d'elle seulement par une cloison légère. Ni sa mère ni elle ne songeaient même pas à retirer la clé de sa porte à coller à la mienne. Ses mœurs naïves m'enchantaient, cette innocence profonde, cette vie indécise mais pure, ce départ en l'air qui me faisait une crainte à côté d'une joie, comme aux enfants qui cueillent les fleurs au bord de nos fortifications pleines d'eau. Je ne vous dirai pas précisément ce qui me berçait dans ce vague détachement de mon sort, mais je voudrais n'avoir jamais changé d'atmosphère, car l'air que j'ai bu durant ces 3 années n'était pas le même qui m'a nourri plus tard. Je clandestinais l'existence, c'était comme le lait pur qui coule aux lèvres d'un enfant à moitié endormi. Mon Dieu, que j'étais bien! Ma mère me disait quelquefois, mais à voix basse, comme une mère qui parle de départ, « Mon fils, quand donc vous en allez-vous à Rome ?» Je répondais le plus longtemps après que je pouvais. « Ma mère, certainement, bientôt, mais que voulez-vous ? » « Je sens bien cela, » répliquait ma pauvre mère convaincue, « et je gagnais 3 mois. » Un jour aussi, mon frère, ayant ruminé longtemps un discours ferme et ravivé son courage, vint me dire la tête montée. « Eh bien, Constant, votre voyage de Rome, car enfin le temps coule, les autres vont revenir peut-être, et vous êtes là. Convenez que c'est terrible pour ceux qui vous aiment. Bref, quand donc ?»« Mais ce n'est pas douteux, mon frère, » répondais-je encore. « Croyez-vous que je ne le sache pas ? Puisque je l'ai dit à ma mère l'autre fois, demandez-lui. Je le sens d'une manière impérieuse. Assurez le bien à votre femme, mais j'ai des portraits d'amis à finir. Vous sentez que je ne peux couronner par un froid procédé l'accueil délicieux que l'on m'a fait ici. Qu'en dites-vous, mon frère ? Je m'en rapporte. C'est assez juste, répondait-il en me tendant la main. Je la serrai, cette main, et elle me retenait encore 3 autres mois, car il n'y en a jamais eu de si fraternelle, de si liante, de si enchaînante pour mon cœur que cette main de mon frère Félix. Ainsi je restais. Votre mère venait bien à son tour me lancer quelquefois un regard, un mot réveillant. Mais quand j'avais dit 5 à 6 fois, c'est vrai, aux conseils excellents qu'elle avait médités pour me faire partir, elle m'exhortait à être bien sage, tremblait de tous les dangers que les jeunes hommes courent sur les grands chemins, loin de leur famille, et je restais. Alors je peignais votre poupée, une enseigne, un saint, pour quelque chapelle qu'on relevait sans la déclarer aux autorités municipales, qui fermait les yeux et les oreilles quand on y chantait l'Angélus ou la messe. Des tableaux payés parfois en argent, 10 autres payés en paroles affectueuses. Quelques promenades avec vous, petite, et vos sœurs autour du rempart et du grand calvaire. La tour Notre-Dame à gravir, pour saisir d'un coup d'œil ma ville natale, et les maisons de tant d'êtres aimés. Et puis, sans presque y penser, le bonheur de moraliser cette tendre maîtresse de mon camarade absent, de la contrôler tantôt sur sa tristesse, tantôt sur sa toilette un peu trop élégante, ce qui n'était que lui faire un reproche d'être belle, car cette charmante fille ne pouvait porter rien, qu'elle ne l'orna jusqu'au luxe, voilà mes liens. C'était comme une volière où j'aurais été désespéré qu'il me poussât des ailes. Marianne tournait alentour. Votre mère, je vous l'ai dit, en était folle. La sienne l'adorait, on la suivait avec entraînement partout où elle daignait se montrer, avec ses grâces ou sa mélancolie, et je me disais souvent, suis-je heureux? Je l'ai moins que tous les autres. Et le temps amassait jour sur jour dans cette singulière indifférence qui me faisait des rêves enchantés. J'en sortis tout à coup au son bruyant de quelques instruments de bal, et ce fut fait de moi pour toujours.